Bonjour, nous c'est Projet Morse. En juin 2022, dans le cadre du festival La Claque, Projet Morse a invité Julia Hamadi à la BED à concocter une séance d'écoute. Voici la deuxième partie. Okay.

Happy animals, Tu n'as pas de temps à faire. I'm being followed and pursued by something. And I could feel that there was somebody behind. I was running and I was being chased. I'm running down the street, into a house, through the house. Down the stairs. Out the back. And I was being chased. Faster and faster. And I ran for all I was worth. My clothes were dragging me back. I was running away. I was running. And I ran. So I run along the corridor and I run up the stairs. I keep running up these stairs and round the corner. I sometimes run down the stairs into the corridor and I keep running and running and running. My legs wouldn't go quick enough. I couldn't get my breath to call out. I was running away. I was running very, very fast. Somehow I couldn't stop running. I was running and I fell over the mountain. There was a crocodile chasing me. I was running. And there was a crocodile chasing me. And I swam as fast as I could to get away from the crocodile. And the crocodile suddenly changed into a lion and then that changed into a tiger. The animals really, I suppose, don't mean to chase me. But because I'm frightened and I run, they follow me up. So I run along the corridor and I run up the stairs. And some great monstrous shape walks towards me in the corridor. And I run up the stairs. My legs wouldn't go quick enough. And I keep running and running and running. Running and running and running. up a big slope, and my legs wouldn't go quick enough. I was running and I was being chased. There was somebody after me, chasing me up a big slope, up a big slope. And I keep running and running and running, running and running and running. I couldn't get my breath to call out. So I run along the corridor and I run up the stairs. And some great monstrous shape walks towards me in the corridor. I'm running down the street, into a house, through the house, out the back, over there, somebody. I never see anybody. I know there's somebody behind me, probably, but I never see them. It's neither a man or a woman. It's just an enormous black shape. It's just a mass of something, matter, coming towards me. A great, big, monstrous-looking mass, not a shape. Just filling up the corridor. But it's neither a man or a woman. It's just an enormous black shape in the corridor, filling up the corridor. It's a crocodile chasing me. I was running away. As I ran faster, I seemed to battle against it even more. My clothes were dragging me back. My clothes were dragging me back. I was running very, very fast. Somehow I couldn't stop running. I was running away. My legs wouldn't go quick enough. And I run up the stairs. The stairs are wide and stone. They're nasty stairs, institutional stairs. I keep running up these stairs and round the corner. I can't go right to the top. I just hide round the second corner. Hoping no one will see me, and then if I hear somebody, I sometimes run down the stairs into the corridor. And all the time, this terrible fear that I'm only in my white liberty bodice, only in my liberty bodice. I'm being followed and pursued by something. I'm never quite sure what it is. Feeling of running down a staircase. I can still see the staircase, a very wide staircase in an old house. Big carved banisters. They go down in short flights. At the end of each flight, there's a large stained glass window, and I run down the stairs faster and faster, and the something which is following gets nearer and nearer, and I don't know what it is. I have the feeling that it's something which is about to envelop me in some way. It's just this feeling of being followed and pursued. I'm running down a corridor. I'm being followed and pursued by something. I could feel that there was somebody behind, and I was being chased. And I ran for all I was worth till I got to the edge of the cliff. And just as I was getting to the edge of the cliff, I couldn't remember anymore. I can see this corridor stretching into the distance, the perspective of it just fading into absolute nothingness. I couldn't remember anymore. I was running very, very fast. Somehow I couldn't stop running. I came to a edge of a great big cliff. And just as I was getting to the edge of the cliff, I couldn't get my breath to call out. I went up, right up to the top, over the other side, and hung on to the cliff. I could feel that there was somebody behind. It was some form of beast, it was some form of great ape, and it was loping along, and it was making a noise, an uncanny noise, and my clothes were dragging me back as if I'd been in the water, and my clothes were heavy, and they're becoming heavier, and they're being held by the streams of wind. As I ran faster, I seemed to battle against it even more, and it seemed more difficult to stay on this edge. It was very dark all the way round, and it was a very sharp edge. I knew that if I watch and kept breathing properly, I could keep on the top of this ridge. Then I sort of felt myself falling over the cliff. I was falling. Falling over the cliff. Falling over a cliff. Thank you. Alors, l'effraie, on l'appelle... Jan Forskemener. Un ein frigère. Un ein frigère, qu'on l'appelle chez nous. Ou un ein garmer. Un ein garmer, parce que tu sais, il crie et il pleure généralement. Enfin, garmer, on dit ça pour les enfants quand ils crient, quoi. Donc, il laisse un cri comme ça. Alors, on appelait la chouette effraie, on l'appelait également un ein garmer. Et alors, ce que je me souviens, c'est que quelquefois, quand on était gamin, on entendait crier comme ça. Alors, je demandais à mon père, qu'est-ce que c'est ? Oh, he's in ein garmer. Il a l'air de dire qu'il fallait se ramasser. Les gens n'aimaient pas trop l'entendre. Oui, vous les avez aperçus dans le petit chemin. Deux. Mais je ne sais pas si on va les entendre. Moi, je suis allée dehors, je ne les entends pas, moi, ce soir. C'est-à-dire que c'est étouffé par le chant des crapauds. Ici, on dit « a gouhan ».« A gouhan vin ». Marcel Guillou. Chouette. Blanche. Et on entendait la nuit. Et il se trouve juste dans le pignon de la maison. Il y a des trous pour l'aération autrefois. Et ils ont... On va aller par l'autre côté, si vous. Amélie Barzic. Peut-être que je vous aurais donné une paire de bottes. J'aurais dû y penser. Je vais vous donner une paire de bottes. C'était pendant la guerre. Alors, on allait au moulin, mais à travers champs. Et, en plus, si on pouvait, la nuit. Il y a deux fils, deux rangées de fils. C'est passé par-dessus comme ça. Il n'y a pas de courant ni rien. Voilà. Je vais là-dessus. C'est bon. Oui, crochet dans le poteau. Hein. C'est à cause des chiens. Autrement, ils rentrent dans le potager. Et comme ça, je leur mets du courant. Et comme ça, ils ne viennent pas. Et je me rappelle que je suis allé avec mon père. Et ça s'appelait le moulin de Kevastar. Leur crotte, ils les jettent dehors. Oh, ça dégouline. En ce moment, il y a des petits. Pourtant, quand on est en train de biner dans le jardin le soir, on l'entend bien maintenant. Ben, à ces heures-ci, puisque je jardine en attendant que la nuit tombe, quoi. Quand on venait à la maison, j'étais dans la charrette sur les sacs. Et j'ai entendu le gouhan ven. Un hibou, c'est gouhan gos, mais celui-ci a un autre nom. De temps en temps, comme ça. Ça, j'ai trouvé. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était. Alors, il me dit que ça avait un rapport avec l'amour. Il y en a qui disaient que ça portait malheur aussi, les maisons. Et ici, il y en a un de... Mon beau-père a fait 40 ans ici, et moi, bientôt, j'ai fait 40 années. C'est pareil. Lui n'a jamais vu que ça ici, et moi, j'ai vu que ça non plus, toujours deux. C'est ça qui m'intrigue tout le temps aussi. Il n'y a jamais plus de deux. Où est-ce qu'ils vont les petits, alors? Lorsqu'il y a trois, on le trouve par terre. Et on le trouve par terre, et on dirait une boule blanche. On dirait une petite balle, comme une salade, grande comme une salade. Mais que des petites plumes fines. Alors je le mets là, et la mère va le nourrir là pendant un moment. Mais quelquefois, il est mangé par un chat ou quelque chose. Mais je l'ai vu arriver qu'il réussissait aussi. Ils n'admettent que deux dans le nid. Freezy, ça y est. Freezy, en minuit. L'effraie en breton par chez nous, on l'appelait la pousse nankou. L'oiseau de la mort. Oh, Jean Lafeter, lui, connaît un tas d'oiseaux. Ça a des mœurs qui nous surprennent quelquefois. Il y a des jours que on les voit sans arrêt, et après, le lendemain... On les entend plus quand il fait beau. C'est les crapauds qui chantent le plus quand il pleut, quoi. C'est joli à voir. C'est majestueux. On les entend même des chambres. De la maison, on les entend souffler comme ça. Jusqu'à 3h, 4h du matin. J'aurais bien aimé l'entendre 3 ou 4 fois. Non? Je me souviens de l'avoir vu une fois, c'était en hiver. Il y avait de la neige sur la terre. Mais elle était comme éblouie par la neige. Et c'était de jour. C'est rare de les voir de jour. Elle rasait la terre et... puis elle passait comme ça et puis alors elle se confondait avec la couleur de la neige. L'oiseau de la mort. Mais c'est surtout au nid qu'on les entend le plus. D'après les anciens, quand il y avait un décès dans un village, les frais faisaient le même parcours que le mort entre son village et le cimetière, en lançant ses cris tout le long de la route. Elles nous entendent peut-être. La colombée, non ? Éteins la lumière, dehors. Trenti agaveret. Entre la maison du mort et le cimetière. D'annonce d'un dut à Maru. Pour annoncer la mort. Agen dut nair de dahus pi gleve en deu alerte beuri, tan dirte nous mi am mima cleve de lapus un nonc ut trem en dreazet. Et les gens disaient, hier soir j'ai entendu l'oiseau de la mort passer. Qui est mort alentour? Là, pour un nom comme Ekers, puis ben Nigel, puis Hai Vastite, ne veut que Goulet me dit ben. L'oiseau de la mort. Quand il t'arrive de face, on ne lui voit que la tête. Et d'aulag du, dans les ben gwen. Ses yeux noirs, sa tête blanche. Zi présente mes kers, mon mastrave et le penmao. Exactement comme une tête de mort. Skringer Snows, qui crie la nuit. Nain Frigère. Nain Frigère, alors on n'a pas entendu souvent. Dans une chanson, quand même. Je l'ai entendu mentionner dans une chanson. Der nose staken mes kusket na hin wezar in a rinket. Na hin wezar in a rinket. Cleve de neinik pian frugier kan o avodige rivier. Kan o avodige rivier. Ayant la redrée donne juir d'aimer n'aimer donnons ne juir d'aimer n'aimer donnons. Depuis trois nuits gouttes je n'ai dormi et ce soir je ne le ferai encore. En entendant le petit oiseau frigère, le petit effraie, qui chante sur le bord de la rivière, et il dit par son chant, il n'y a de vrai mariage qu'un. Voilà.

Thank you. Ort et Kölner Reich. Cette séance d'écoute, préparée par Julia Hanadi à la BED, a été diffusée au Festival La Claque en 2022 à Prigonrieux. C'était la deuxième partie, sur 3. Vous retrouverez les références et notes sur les œuvres écoutées sur SoundCloud/Projet Morse. À bientôt.